FrenchPod.com. C'est la troisième fois qu'on passe devant ce rocher. Devant ce rocher. Devant ce rocher. Fais-moi confiance. On n'a pas pris le bon chemin. Bon chemin. Mais si. Regarde la carte de la montagne. On est ici et maintenant il faut aller par là. Par là. Viens. Attention. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah!